Seigneur, bonjour. Allô? Allô, allô? Allô? ...57 rue de Varennes, de François Perrache. Deuxième saison, partage de minuit. Les puissants sont souvent des ratés du bonheur. De là vient qu'ils ne soient pas tendres. 57 rue de Varennes. Huitième épisode. Mais j'ai eu sa femme au téléphone il y a 2 heures. Je lui ai dit... Arrête. Colonel, vous reconnaissez ma voix ? Bien, colonel, ne l'abattez pas. Égorgez-le à l'arme blanche. Non, merci, Pirip. À bientôt et encore désolé de tous les problèmes. Souviens-toi du ciel. Négative. Le mien. Répétez, s'il vous plaît. Ce n'est pas de 20 cheveux dans la tempête et le petit mouchoir à un moment. Actualité. Le président du conseil, Monsieur Pierre-Yves Gerland, s'est rendu récemment dans nos colonies. Les populations indigènes ont réservé au chef du gouvernement un accueil enthousiaste. De retour à Paris, M. Gerland a donné une conférence de presse durant laquelle il a notamment été interrogé par une jeune journaliste d'outre-Atlantique. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, répondez. Hello, Mr. Prime Minister. I'm Catherine Hepburn for BFM TV. Monsieur Gerland. Je vous en prie, appelez-moi Pierre-Yves. Pierre-Yves, on dit que vous préparez un remaniement. Est-ce que vous auriez un poste à me proposer ? Écoutez, mademoiselle Hepburn. Catherine. Oh, I'm hot. Vous permettez que je me déshabille ? Je vous en prie, Catherine. Vous êtes très belle, toute nue. Écoutez, Catherine, je n'avais pas pensé à vous pour un ministère. Mais je serais ravi de vous recevoir à Matignon pour en discuter. Nous pourrions prendre un verre sous la véranda, et après je vous ferai l'amour sauvagement dans le jardin. Parfait. Vous permettez que je vous caisse, vous ? Naturellement. Pierre-Yves. Quel poste vous pourriez me proposer ? Le ministère de la Culture ? Ou celui de l'intérieur. Mais il est déjà occupé. Le ministère de l'Intérieur. C'est mon ministère. Mais Pablo, tu m'as mordu, t'es malade. Je me dirais, c'est ça. Mais tu peux pas. Pierre-Yves, je te tiens. C'est moi qui te tiens, Pablo. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Aouh, mais c'est pas moi qui rigolais. Yes. Pauvre Pierre-Yves Gerland. Entre dyspepsie et complications professionnelles, notre héros a bien du mal à dormir paisiblement. La journée de la veille a été particulièrement éprouvante pour le Premier ministre. Son projet de lancer une rumeur de remaniement tourne au cauchemar. Dominique Pelletier, le député qu'il a convié à Matignon pour lui faire miroiter la place de Pablo Mercadal à Beauvau, se révèle un mauvais cheval. Il vient d'être arrêté au bois de Boulogne en compagnie d'une jeune péripatéticienne roumaine. Ah, mes amis, il est dangereux de jouer avec la rumeur. Notre pauvre héros est en train de la prendre à ses dépens. Tu me fais mal. Peter, Pierre-Yves. Hein? Quoi? Mais tu peux arrêter de me taper dessus, s'il te plaît? Pardon. Oh, je faisais un cauchemar. C'était horrible. Quelle heure il est? 5h48. Je vais me lever à 6 de toute façon. Tu veux pas rester un peu au lit? On a 12 minutes. Mais t'as pleuré ou quoi? Non. Non, c'est mon allergie. Au pollen, début mars? Oh, t'as les yeux tout rouges, mon petit lapin qui a attrapé la myxomatose. Viens là que je te soigne. Oh, oh, le bourrais-je ou tu bandes, monsieur le Premier ministre? C'est pas impossible. Je rêvais de toi. C'est vrai ce mensonge? Je croyais que c'était un cauchemar. On reste un peu au lit pour fêter ça? T'en as pour 3 minutes de douche comprise. 3 minutes, t'exagères. Tu sais, en vieillissant, je deviens plus lent. Des promesses, toujours des promesses. Bon, allez, je me lève. Bon, tu me laisses toute seule au lit, alors? T'étonnes pas si je prends un amant? Si tu reprends un amant, tu veux dire? Commence pas ce petit jeu, Pivert. Et toi, t'as une maîtresse en ce moment? J'ai pas le temps. Ouais. Tu fais quoi aujourd'hui? Pour congérer le Capelletier en urgence. Et puis on est mercredi, je te rappelle. Il se passe un truc à l'Elysée tous les mercredis vers 10h. Aujourd'hui, il faut que j'y sois plus tôt parce qu'avant le conseil, je me fais engueuler par le président. Pelletier? Pelletier, Mercadal, les élections, le budget. Et cet après-midi, tu fais quoi? T'aurais un peu de temps? Après les questions au gouvernement, c'est tranquille, je crois. Je reçois juste l'ambassadeur à l'ONU. Il part à la retraite. Ça ne devrait pas lui faire une grosse différence. 40 ans à travailler en faveur de la paix dans le monde depuis New York. Je sais même pas si ces mecs-là payent des impôts. J'aurais mieux fait d'être diplomate quand j'y pense. Diplomate, je suis pas certaine que t'aies les qualités requises, mon chéri. En vieillissant, je me bonifie, hein, je te dis. Tous les ex de Matignon font figure de vieux sages. Je pourrais négocier une ambassade avec le président. Remarque, je suis pas sûr que ce soit le bon jour pour lui demander. Ou alors je me fais des couilles en or en allant donner des conférences au Qatar comme ça me plaît. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Rien. J'en dis rien. Dis, ce serait bien si on avait un petit moment tous les deux. Ce soir, par exemple. Même tard. Mais si. Une ambassade. Hein, on serait tranquille, au soleil. On boirait du champagne tiède toute la journée. Tu voudrais aller où? Rio? Ou Bangkok? C'est bien la Thaïlande, non? Qu'est-ce qu'on doit s'emmerder là-bas? Son Excellence Pierre-Yves Gerland, ambassadeur de France à New Delhi. Oh, tu mériterais que je te débarque là, Pierre-Yves, maintenant. Monsieur le Président, je suis quand même pas responsable de Pelletier et de ses... Turpitudes? Conneries! Six conneries! Va se faire gauler en allant au bois! C'est quand même le seul député que je connaisse qui soit obligé de payer pour baiser! Merde, à quoi ça sert d'être député? À voter les lois? Oh, n'en rajoute pas, toi! Mais c'est vrai, quoi! Aller se taper une gamine, mais faut être malade! Enfin, il n'avait pas une maîtresse ou une assistante parlementaire? Si, mais précisément, c'est la même personne et il a fait le tour du sujet, semble-t-il. Bon, après tout, c'est très bien que ce crétin soit fait gauler. La prochaine fois, il passera un peu plus de temps à honorer sa femme et son mandat parlementaire. Et effectivement, en dehors des questions au gouvernement, il est plus souvent sur LCI que sur LCP. Mais qu'est-ce qui t'a pris, toi, de le recevoir à Matignon? Bah, tu veux me faire un enfant dans le dos, c'est ça? Tu te crois déjà à ma place, Pierre-Yves? À ce train-là, tu vas plutôt te retrouver au Conseil économique et social. Et environnemental. Quoi ? Conseil économique, social et environnemental, personne n'est au courant. Bon. On va voir avec Pablo comment on fait pour réparer vos conneries, monsieur le Premier ministre. Apparemment, l'aventure de Pelletier a juste fuité via un flic de base et, heureusement, il n'y a aucun procès verbal, aucune preuve, nulle part. Et c'est couvert par l'immunité. Donc, on éteint l'incendie. Mais en se tenant à distance. Si Pelletier doit tomber, il tombera. Et en attendant, Pierre-Yves, je t'interdis de recevoir qui que ce soit à Matignon sans mon autorisation. Pour les remaniements comme pour le reste, je décide, tu exécutes. Charles ! Bonjour, monsieur le directeur. Comment ça va, monsieur le directeur ? Pas mal. Et vous, monsieur le directeur ? Comme un dire cap de Premier ministre à mercredi matin. J'imagine que tu ne me fais pas venir aux aurores dans un caboulot douteux pour me réciter l'ordre du jour du Conseil. On ne peut rien te cacher. C'est même pour ça que je suis payé, pour qu'on ne puisse rien me cacher. T'as pris ton petit-déj ? Mademoiselle, s'il vous plaît. Je vais juste prendre un kawa. Bonjour. Double express pour moi, s'il vous plaît. Deux. Très bien. Merci, mademoiselle. De double. Plus personne dit mademoiselle, ça fait tellement 20e siècle. Elle est mignonne. Elle doit avoir l'âge de ma fille. Ah oui, t'as une fille. Je savais pas. J'ai oublié, pardon. Normal, j'en parle pas beaucoup. Comment elle s'appelle déjà ? Quel âge elle a ? Elle a 19 ans, Amandine. Oh là, c'est pas un âge facile, hein ? Les premiers petits copains, l'entrée en fac... Elle est trisomique, 21. Elle a été diagnostiquée un mois après sa naissance. Et on s'est même fait engueuler par les médecins qui voulaient pas nous croire quand on disait qu'elle réagissait bizarrement. Amandine n'a jamais parlé. Elle pousse des cris, des grognements. À Noël, Valérie a raconté à toute la famille que notre fille avait réussi à lui dire « maman » pour la première fois. Je pense qu'elle a rêvé, mais j'ai plus le courage de la contredire. Je suis désolé, Charles. Non, t'as pas à être désolé. On se connaît pas, Christian. Depuis la sortie de Léna, on se parle que de boulot, non ? Disons qu'on est copains, au mieux, ou complices. Un complice, c'est pas mal. Il y a quelque chose d'équivoque dans ce mot qui correspond bien à notre relation, non ? Alors, c'est au copain ou au directeur que tu veux parler ? Au directeur de la DCRI. On dit DGSI maintenant, Christian. DGSI. L'arrestation de Pelletier, c'est vous ? Évidemment. Parce que Gerland l'a reçu à Matignon ? Prenez-le comme un avertissement. Un apéritif, plutôt. Pelletier, c'est une mise en bouche. Mercadal va frapper beaucoup plus fort. C'est-à-dire ? Oh, je sais pas tout, moi. Mercadal ne m'a pas mis dans la boucle pour Pelletier, ce qui prouve que c'est grave. Il gère tout en direct avec son DIRCAB. Il prépare un gros coup. T'es la personne la mieux informée de France. Tu peux pas m'en dire un peu plus ? Si, je peux. Et de toute façon, Mercadal doit savoir que je sais. Il sait aussi qu'on se connaît. Il n'est pas exclu qu'il se serve de moi pour vous prévenir. C'est compliqué chez vous, hein. Je t'écoute. Mercadal a appris que vous avez reçu le colonel Michaka peu de temps avant la mort de Belansky. Il sait pourquoi. Je vois pas de quoi tu parles. Allons, Christian. Pas avec un vieux copain comme moi. Qui lui a dit pour le colonel ? Ça vient de chez nous ? Possible. Probable. Je connais pas la source, je te jure. Mais ce que je sais, c'est que Mercadal a récupéré tous les documents de Belansky sur les comptes de campagne. Il est en train de les faire analyser par son DIRCAB. Et quand il aura toutes les cartes en main... Mercadal sort les documents qu'il arrange et il annonce sa démission. Mercadal annonce sa démission ? Toute la difficulté pour Mercadal va être de faire tomber Gerland sans compromettre le président. Et comment il compte s'y prendre ? Je sais pas. J'imagine, assez classiquement, 1. Mercadal démissionne, ça crée le chaos. 2. Il laisse Gerland couler. Et 3. Mercadal revient plan comme neige pour prendre Matignon. Un peu grossier comme plan. Grossier, mais efficace. Et quand est-ce que Mercadal a l'intention de sortir du bois ? Très bientôt, tout de suite. Il est trop tard pour arrêter Mercadal, Christian. La bête est lâchée. Good morning, Madame Penny. Bonjour, monsieur le ministre. Le président est là ? Oui. Monsieur le Président finit la réunion de préparation avec le Premier ministre et Monsieur le Secrétaire Général. Ah, c'est justement à ces messieurs que je voulais parler. Vous pouvez leur dire que Monsieur le Ministre de l'Intérieur serait ravi de s'entretenir avec eux. Et Fissa, c'est de l'arabe. Je suppose que vous n'aviez pas rendez-vous. Rendez-vous ? Vous foutez de moi ? Comme vous le savez, le président ne reçoit aucune visite le mercredi matin. Je vous saurais gré de ne pas insister, monsieur Mercadal. Ça me retomberait dessus. Mais bien sûr que ça va vous retomber dessus. Vous êtes payé pour vous faire engueuler, non? Vous plaignez pas trop du président, ça pourrait être pire. Vous pourriez être ma secrétaire. J'en ai usé 4 en 18 mois et ça m'étonnerait que l'actuel tienne jusqu'à Pâques. Alors? Alors quoi, monsieur le ministre? Vous prévenez le président? Non, monsieur le ministre. Couillu. J'aime ça. Monsieur Mercadal. J'avais dit personne. Ah bon? Ta secrétaire m'a dit que je pouvais entrer. Bonjour, monsieur le ministre. Ouais, bonjour. Salut, Pierre-Yves. Salut. C'est bien la première fois que t'es en avance pour le conseil. On travaille, là. On parlait de Pelletier, justement. Qu'est-ce que tu veux? Non, Pelletier, je m'en fous. Je suis venu discuter de la façon dont vous avez organisé l'assassinat du ministre de la Santé. À bientôt. À bientôt, Johnny. Allez, on a encore une minute pour recevoir en personne Pierre-Yves Gerland dit Pig. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour. Vous avez l'air encore plus fatigué que d'habitude. C'est l'affaire Pelletier qui vous empêche de dormir? Attendez, il n'y a pas d'affaire Pelletier. Ce ne sont que des conjectures. Ah oui, en ce moment, c'est votre mot, ça. Conjecture. Mais oui! Vous conjecturez, tout le monde conjecture. La vérité, c'est que Dominique Pelletier est passé, par hasard, par le bois de Boulogne, en sortant du boulot. Il a vu une jeune fille, il a eu peur qu'elle ait un peu froid, puisqu'elle portait une jupe plus courte que votre ceinture, il l'a prise en stop et voilà! Mais il a quand même passé une heure au poste en état d'ébriété. C'est pas banal pour un député. Oui! Bon, et il était pété comme un coin. Et alors? C'est le palais Bourbon, pas le palais Vichy-Fraise ou Vitel-Cassis. Alors, halte aux conjecturations et allons droit au but. Au but! Au but! Dominique Pelletier est un ami. Il préside le groupe d'amitié France-Roumanie à l'Assemblée. Ah oui, ça s'invente pas. Mais il a juste voulu montrer à cette jeune fille, roumaine, toute son amitié, et voilà. Et voilà. Et c'est vrai que vous pensez à lui pour remplacer Pablo Mercadal? Être arrêté en présence d'une jeune fille roumaine sans papier, ça fait un peu tâche, non? Pour un possible futur ministre de l'Intérieur. Pour l'instant, il n'y a aucun remaniement prévu. Ne conjectez pas. Pablo Mercadal est en poste au ministère de l'Intérieur. Il fait un très bon travail. Vous savez qu'il est très apprécié des Français, le petit fumier. Et cet enfoiré a toute ma confiance. Si Dominique Pelletier était appelé à le remplacer, ça tomberait très bien, puisqu'il aurait notamment en charge la lutte contre la prostitution. Un sujet que, visiblement, il connaît à fond. Hein. Et si cette jeune fille est effectivement sans papier, il pourra la reconduire lui-même à la frontière. Comme ça, ils auront l'occasion de se dire au revoir. Eh bien, au revoir à vous aussi, monsieur le Premier ministre. Et bon courage pour le Conseil des ministres de tout à l'heure. Je ne voudrais pas me perdre en conjecture, mais je pense qu'il va y avoir de l'ambiance. Et merci Sébastien Larieux. Sébastien, dont vous pouvez aller voir le spectacle en ce moment à Paris, au Théâtre des Jazets. Oui, du mardi au samedi à 21h. Merci Sébastien, à demain. Déjà 9h25 sur RF2. Allez, quelques pubs et on refait le point sur l'actu. Donc, qu'est-ce que tu veux, Pablo? La tête de Pierre-Yves. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Et je suppose que vous prendriez sa place à Matignon. Pourquoi pas? Monsieur le Président, je crois que Monsieur le Ministre de l'Intérieur nous fait une nouvelle poussée d'ambitionnite aiguë. Bah, tout le monde n'a pas une vocation de larbin, Monsieur le Secrétaire Général. Peut-être espérez-vous être blessant, Monsieur le Ministre, mais en servant le Président, je sers la France. Par conséquent, quoique l'expression larbin me semble prime sautière, je reçois comme un compliment cette métaphore ancillaire. C'est ça, faites des phrases. Je t'ai déjà dit, Pablo, Matignon c'est niette. Pas maintenant, tu es trop jeune. Vous aviez à peine 50 plus que moi la première fois que vous avez été nommé à Matignon. Et c'était à une époque où les carrières étaient beaucoup plus lentes. Oui, mais comme tu le sais, j'étais particulièrement doué. Non, Pablo, tu as encore une image trop impulsive dans l'opinion, trop autoritaire. Arrêtez, la flatterie avec moi ça marche. Non mais ça va, je vous dérange pas. Mon avis vous intéresse sur Matignon? Pas plus que ça. Quand bien même je le voudrais, je ne peux pas me permettre de te nommer à la place de Pierre-Yves. Tu te grillerais en 6 mois. Comme les autres. Ronge ton frein, Pablo. Ton heure viendra, tu le sais. Mon heure est venue. Je vous laisse, le conseil va débuter. Ne sois pas en retard, Pierre-Yves. Avant de partir, je voulais quand même te dire que j'ai repensé à ton discours très touchant pendant les obsèques de Belansky et à ton petit mot contrit pour la veuve et les gosses. Avec le recul, je trouve ça proprement dégueulasse. Ah, proprement dégueulasse, c'est un assez joli oxymore. Faudrait choisir, Pablo. T'es venu nous faire la morale ou réclamer une promotion? J'attendrai pas 18 mois de plus. Je vous laisse réfléchir. Seriez-vous en train de menacer le président, monsieur le ministre? Non, monsieur le secrétaire général, une menace, c'est quelque chose qui pourrait ne pas arriver. Notre petit échange de ce matin, c'est un avertissement. Je vous explique comment ça va se passer. Soit vous me faites une contre-proposition sérieuse, soit je prends des initiatives. À suivre. Rue de Varenne, de François Perrache. 8e épisode. Hervé Pierre, Chris Nyanguna, Luce Mouchel, Damien Houssier, Irène Jacob, Gilles David, Jean-Claude Durand, Pauline Ribard, Alain Rimoux, Grégoire Ostermann, Anne Deleuze, Louis-Do de Lanxin, Christine Pignet, Mathieu Schalk, Jean-Christophe Fraîche, Thomas Gourdi, Bruno De Green, Lucas Enaf et Delphine Léonard. Bruitage, Elodie Fiat et Sophie Bissante. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Chaleureux remerciements à la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, pour leur accueil amical. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmonts et Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Cédric Ossir. That Indian blow the whistle, the fireman, he rang the bell. That Indian blow the whistle, the fireman, he rang the bell. That Indian blow the whistle, the fireman, he rang the bell. That Indian blow the whistle, the fireman, he rang the bell. It's bad, you know. She asked me why. I just went on and told her. She asked me why. I just went on and told her.